que le temps ne me coupe, me laisse aux oubliettes. Avant que le temps ne me brise en mille éclats de verre, je le dépasse d'une ruse, c'est qu'il me tourne autour en marchant avec lui. Je le dépasse d'une nuit. Avant que le temps ne me prenne, qu'il m'arrache l'envie. Avant que le temps ne s'arrête de faire battre ma folie, je le dépasse d'une ruse, c'est qu'il me joue des tours. Je le caresse le jour et le dépasse d'une ruse. Je le dépasse d'une.